Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 1er avril, il est exactement 10h02. Belle matinée à tous. Aujourd'hui, l'éphéméride de la journée comme d'habitude. Aujourd'hui, 1er avril, c'est la journée des blagues et des calembours dans de nombreux pays dans le monde. Voilà, eh bien attention aux petits blagueurs. Aujourd'hui, nous fêtons une très bonne fête aux Hugues et ses variantes. Tel Hugo, bonne fête donc aux Hugues et ses variantes. Petit point historique, comme tous les jours, histoire, que s'est-il passé en ce jour d'aujourd'hui? Eh bien, mercredi 1er avril 527, l'empereur Justinien a été donc couronné empereur romain d'Orient. Le 1er avril 1328, date très importante dans l'histoire de France, dans l'histoire du royaume de France, puisque le 1er avril 1328, c'est l'avènement de Philippe VI de France, le cousin, comme vous le savez tous, de Charles IV le Bel. À cette occasion, les états généraux sont convoqués. Ces derniers confirment la non-transmission du royaume de France aux femmes. La princesse Jeanne se retrouve donc évincée du trône de France. C'est la loi Salique, la fameuse, qui interdit aux femmes de pouvoir être à la tête du royaume. C'est la fin des Quimpéciens directs, un événement fort, événement important pour l'histoire du royaume de France. Le 1er avril 1938, c'est également l'invention du Nescafé. Nescafé qui est là vraiment pour nous aider, pour nos petits déjeuners. Le 1er avril 1977, c'est également la naissance de l'émission Les Grosses Têtes de Philippe Bouvard sur RTL. D'ailleurs, on apprend hier le décès de Pierre Bénichoux qui participait aux Grosses Têtes. Nous pensons très fort à sa famille, à ses amis, à ses proches. Le 1er avril 1983, c'est l'entrée en vigueur de la retraite à 60 ans en France. Le 1er avril 1976, Steve Wozniak et Steve Jobs fondent la société d'informatique Apple, qui deviendra, comme on le sait, une grosse société aujourd'hui. Nous retrouverons notre correspondant Point Bourse tout à l'heure qui pourra peut-être nous en parler. Le 1er avril 2002, également, les Pays-Bas deviennent le premier pays du monde à reconnaître l'euthanasie comme un acte légal. Si vous êtes né aujourd'hui, vous partagez votre anniversaire avec le premier chancelier de l'Empire allemand, Otto von Bismarck, mais également Edmond Rostand, l'auteur de Cyrano de Bergerac, le musicien dit reggae, Jimmy Cliff, également la chanteuse à succès que vous avez pu voir dans l'équivalent de Le Royaume-Uni, un incroyable talent, Suzanne Boyle, et c'est également l'anniversaire de Cécile Duflo. Bon anniversaire donc à toutes ces personnes. Nous allons donc retrouver désormais notre correspondant pour le Point Bourse, notre correspondant Boris Cotter, juste après ce jingle. Boris Cotter, bonjour Boris, vous nous entendez ? Oui, bonjour, bonjour à tous. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un Point Bourse, étant donné que... Voilà, nous sommes dans... L'économie est en crise en ce moment avec le coronavirus. Voilà. Où en sommes-nous, Boris ? Alors, en ce début de journée, je vais pouvoir vous faire un récapitulatif de ce qui s'est passé sur les marchés nord-américains hier. Le Dow Jones, hier, a fermé avec une baisse de 1,84%. C'est dommage. Il finit à 21 917 points. Maintenant, on va se concentrer sur la France avec le CAC 40. Le CAC 40 qui est en cours d'exercice aujourd'hui. À 9h45, il était à 4204 points, avec une baisse de 3,81 points. On va pouvoir se concentrer sur quelques titres en cours les plus connus, notamment Crédit Agricole qui affiche une baisse de 5,23 points, AXA de moins 6,93 points, Engie de moins 3,02%, Total de moins 5,07%. Ensuite, les devises. Alors, il faut que je retrouve mes fiches, désolé. Prenez votre temps, on sent que c'est très compliqué la bourse. Moi-même, je dois dire que je n'y comprends pas tout le temps tout, hein. Alors, ça y est, j'ai retrouvé. Le dollar canadien s'échange à 0,5725 livres sterling. Le dollar américain s'échange à 10,37 couronnes norvégiennes. Voilà, c'est tout ce que j'ai noté aujourd'hui. Merci Boris pour et, ce point. Petite indication sur la crise du prix du pétrole. Aujourd'hui, le baril de pétrole s'échange à 18,53 euros sur les marchés financiers. Ah voilà. Ah bah merci pour cette information Boris. Je vous retrouverai à 15h pour une mise à jour des marchés financiers. Merci Boris, à cette occasion je rappelle à nos auditeurs que nous retrouverons Pascal Prout pour le grand débat sur l'écologie, rêve ou mythe chinois. Nous allons tout de suite retrouver notre collègue Michel Golinski pour la météo. Michel, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, temps globalement radieux sur l'Hexagone. Nous avons sur la moitié nord-est un soleil radieux, mais les températures ne sont pas encore au beau fixe. Le printemps faisant tout juste son nid sur la France. Si vous êtes au sud de la Loire, dans une diagonale qui va jusqu'à Aix-en-Provence, grosso modo, vous serez de temps en temps interrompu par quelques nuages intermittents. Attention aux Montpelliérains qui sont les seuls Français à avoir de la pluie aujourd'hui, malheureusement pour eux. Voilà, on a des températures à la mi-journée qui oscillent entre 9 degrés à Lille jusqu'à 15 à Ajaccio. Aurillac aura des températures à 15 degrés avec un ciel un peu voilé. Pour l'après-midi, les températures restent stationnaires. Nous restons autour du 9 à 12 degrés Celsius. Les nuages redescendent un petit peu plus vers le sud pour seulement coloniser, j'ai envie de dire, les Pyrénées. Alors la tendance pour les jours à venir, nous avons globalement ce même temps, des températures moyennes, assez fraîches pour la saison, un temps ensoleillé, partiellement nuageux, le sud plutôt autour de l'Hérault, de l'Aveyron, nous aurons quelques pluies, et il faudra attendre bien évidemment samedi pour voir vraiment des températures à la hausse, pour passer les 15 degrés et pouvoir sortir le barbecue, car en effet il n'y aura quasiment plus de nuages sur toute la France, donc il nous tarde d'arriver à ce week-end pour pouvoir enfin profiter du jardin comme le printemps le veut. Voilà. Oui, tout à fait Jean-Michel, merci, et surtout nous le rappelons à nos auditeurs, restez chez vous. Eh bien, tout de suite, nous allons faire une petite pause, publicité, musique. Nous allons commencer par une petite musique du fameux du Petit Prince du Rail, j'ai nommé Faudel. On se retrouve tout à l'heure. خالفتها راني نقول لك ديما اغوى لا فيريتي نقول لك صح اغوى ليلي Nous sommes... Bonjour. En guerre. Bonjour. En guerre. La matinale des bons cons. De 10h à 11h. Bah non, vous croyez quoi? C'est tout ça, la matinale. Ouais, c'est pas BFM, hein, on se fout de votre gueule, les gars. Poisson d'avril. Doug, poisson d'avril. Non, on les a vus à du... Ouais? J'avais pas vu venir. Hein. Mais ça donne des idées de reconversion, par contre, Doug, votre point bourse, j'ai trouvé impressionnant. Ça m'a donné envie d'acheter des actions. Là. J'ai rien compris à ce que j'ai dit. Mais malgré tout, humour n'empêche pas d'être sérieux. Il faut savoir doser, il faut savoir jongler avec ça. Et nous avons un invité exceptionnel aujourd'hui. Oui, puisqu'on s'est dit que tous les jours, on faisait quand même un peu des blagues nulles. Hein. Et puis on invitait des potes au téléphone. Et voilà, c'est un peu, ça. Voilà. Aujourd'hui, on a voulu un peu changer, appeler, avoir quelqu'un de plus sérieux au téléphone. Hein. Donc aujourd'hui, voilà, nous avons Martin Miroussou, médecin généraliste dans l'Oisé. Donc l'Oisé, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste au-dessous du Mans. Martin, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, monsieur. Merci de m'accueillir sur cette antenne. Mais écoutez, merci. Hein. Merci à vous surtout. Vraiment. Pour ma part, je vais très bien. Moi, j'ai la chance de ne rien avoir. J'ai la chance d'avoir l'esprit clair, comme on dirait. Vous avez eu beaucoup de patients à traiter. J'imagine que votre quotidien a dû énormément changer là, depuis le début de la crise. Alors, vous pouvez savoir, en tant que médecin généraliste, c'est un véritable combat chaque jour. C'est-à-dire que, notamment, on parle beaucoup des hôpitaux, on parle beaucoup des problèmes dans l'hôpital, mais les médecins généralistes, eux, ils sont chez eux, ils sont en train de faire du porte-à-porte, hein, ils sont en train d'essayer de se débrouiller avec deux bouts de tuyau pour essayer de soigner et de d'aider cette épidémie qui ne fait qu'augmenter, grandir, de façon drastique. Voilà, bon. C'est vraiment quelque chose, je ne dors plus, je n'arrive plus à dormir. C'est un truc où je travaille jusqu'à au moins 23 heures pour aller voir mes patients, puisque je pense que l'humain doit primer sur notre vie privée. Voilà, je pense que nous cache les choses, voilà. Ouais, bah ça a l'air de vous retourner en tout cas, quand on sait que les médecins généralistes c'est aussi comme vous disiez, un travail social, un travail de fond, vous devez donner de votre personne en ce moment. Oui, on sent que ça vous touche, hein, docteur Miroussou. Est-ce que vous pouvez nous dire, alors selon vous, parce que là je vous sens en colère, est-ce que vous avez peut-être des choses que vous, si le gouvernement vous entend peut-être, des choses que vous aimeriez là? Je suis en colère, je suis absolument en colère. Il y a une chose fondamentale, moi, où on se fout de notre gueule. Excusez-moi, je me permets de vous dire ça sur votre antenne, je ne sais pas si c'est possible. Oh bah, elle est faite pour ça. Littéralement de notre gueule, on nous fait croire que c'est la fin en Italie, hein, c'est juste, on n'est qu'au début, monsieur Lame. J'en suis persuadé. Cette épidémie était intentionnelle, je le dis, intentionnelle. On a lancé le virus pour décimer tous ceux qui ont fui la guerre et pour en préparer une autre, j'en suis persuadé. Parce que quand je vois, dans ma région, hein, où je vois des gens qui ont fait la guerre des Algérie, qui en ont subi, hein, le Vietnam aussi, hein, j'en vois du Vietnam, hein, qui ont fait tout ça, et ben ils le déciment, tous ces gens-là, pour en remettre une sur notre tronche. Attention, moi, jeune, hein, ça va nous arriver sur la tronche. J'en suis persuadé, j'en suis persuadé. Ça, c'est un critère de distinction, hein, c'est pour aider à squeezer pour les retraites, ils vont supprimer tous nos droits sociaux avec ces saloperies. J'en suis persuadé. Je suppose, je ne sais pas ce que pourra dire votre copain de la bourse, hein, mais je suis sûr qu'ils vont lancer une nouvelle société capitaliste. Ça, mais qu'est-ce que... vous lancez beaucoup de pistes, là. C'est un peu confus pour nous, qui ne sommes pas spécialistes, qui n'avons peut-être pas vu autant de patients que vous. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Est-ce que vous avez des patients, des retours de patients, ou peut-être de collègues? Vous en discutez avec d'autres confrères, peut-être? Absolument. Si vous voulez, je dis que c'est intentionnel, parce qu'en fait... il est sûr maintenant, selon une étude de la Fondation Jean Jaurès, à 94% sûr que le virus a été importé en laboratoire. Alors par qui ? Et mis en place. Alors, ça c'était une très bonne question. Par une sorte d'association mondiale qui s'appelle les Djibouti. Et vous pouvez répéter, s'il vous plaît, excusez, pour nos auditeurs, excusez-moi. Pardon ? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, pour nos auditeurs, que ce soit bien clair. Excusez-moi. Le virus a été fait en laboratoire et mis en place par une association mondiale qui essaye plus ou moins de renverser certains États. Hein. On peut le voir avec les mouvements terroristes qui sont typiquement faits par eux. Hein. Mmh. Voilà, soyons clairs. Ça s'appelle le Djibouti. C'est une association mondiale. Et cette chose-là a été faite en laboratoire. Alors, nous ne savons pas encore exactement quel laboratoire. Nous supposons que ce serait plus l'Inde, au niveau de l'Inde, et qu'il a été importé ensuite en Chine pour l'économie chinoise, et ensuite transporté dans les pays d'Europe. Et ça a même été jusqu'en en Amérique, vous l'aurez bien. Hein. Voilà. Donc là-dessus, il profite du réchauffement climatique pour que ça tienne. Et à mon sens, il y en aura une tous les 5 ans, 6 ans à peu près, une épidémie comme celle-ci. Bon, elle sera différente, hein, mais je pense, j'ai bien l'impression. Est-ce que vous pensez que du coup, alors votre théorie c'est que ça part de l'Inde, est-ce que c'est lié peut-être à la concurrence économique, la bataille économique que se mènent l'Inde et la Chine sur le territoire asiatique, qui sont deux puissances émergentes, enfin pour la Chine même carrément établie? Mais forcément, absolument. C'est totalement, regardez par exemple avec le gaz de Russie, le gaz devrait passer par l'Inde pour arriver jusqu'à la Chine, c'est forcément sûr. C'est-à-dire que oui, il y a forcément des enjeux économiques... Absolument sûr, et je pense, et c'est ma supposition, hein, avec mes confrères, puisque je regarde un petit peu, je déniche un peu les infos entre deux, trois coups de fil, il est sûr, il est même persuadé que l'Inde veut mener une nouvelle société capitalisme et imposer sa religion dans le monde entier. Je suis persuadé, littéralement persuadé. Attention, le catholicisme c'est fini là. On va se faire coloniser. Ah, je suis persuadé. Et puis, oui, excusez-moi, j'essaie de dérouler un peu le fil de votre... excusez-moi, j'en profite quand même, hein, en attendant que vous repreniez. Je rappelle à nos auditeurs, hein, qui sont les bienvenus pour poser des questions au docteur Miroussou. N'hésitez pas, hein, on va pas l'avoir en ligne pendant toute l'émission, donc n'hésitez pas si vous voulez lui poser des questions, c'est et maintenant. Et puis, oui, c'est pas très souvent que dans notre émission, on a des médecins, ou en tout cas des spécialistes de la question, donc c'est le moment de l'interroger, évidemment. Éminent spécialiste, hein, même si je peux me permettre. Oh merci, non, je reste que d'un petit médecin généraliste dans l'Oisé, et rien de plus. c'est tout. Et du coup, si je peux me permettre, je reviens à votre... Vous parliez de guerre, de reproduction de guerre, et vous avez le sentiment que les patients les plus touchés sont des personnes qui ont déjà effectué d'autres guerres auparavant? J'essaye de... Absolument. Ouais. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu sur ce point, s'il vous plaît? Absolument. Si vous voulez, grosso modo, tous ceux qui ont fait la dernière guerre d'ici là sont plus ou moins âgés. Comme par hasard, les virus touchent des gens âgés, déjà, premier point. Pour ma part, déjà, premier point, ça fait toc dans la tête. Donc voilà. Ensuite, ce qui est important, c'est, je pense, quand tu fais la guerre, à mon avis, tu as des choses dans ton corps qui restent. Hein. Tu es plus fragile, quelque part, au niveau de la sensation, au niveau de l'émotion. Tu as besoin de toucher les gens. Or, eh bien, tu en touches. Et là, il s'avère qu'on ne peut toucher aucune personne. C'est impossible. elle reste, elle se recroqueville sur elle-même. Oui, voilà, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que les gens qui ont fait la guerre vont tomber beaucoup plus vite que les autres, puisqu'ils ont plus besoin d'amour, tout simplement. Ouais, et cela va attaquer aussi les patients beaucoup plus jeunes. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais moi-même, à 52 ans, monsieur, 52 ans, hein, toujours médecin généraliste, je sens que ça peut m'attaquer et que je peux lui rester aussi sans avoir fait la guerre. Donc, ça touche bien sûr ceux qui ont fait la guerre pour relancer une nouvelle guerre et qu'on ne s'apitoie pas sur notre sort et qu'on ne sache pas ce qui se passe, tout simplement. Qu'on ne sache pas d'où ça déboule et qu'on soit perdu, bien qu'il y ait la guerre dans le monde, j'en ai bien conscience. Mais voilà. Donc oui, moi je pense que l'épidémie et les symptômes épidémiques touchent principalement les anciens combattants. Alors, du coup, nous on a aussi une question là sur le chat de la radio. Il y a une personne qui nous demande « Docteur, pensez-vous que le pangolin est une invention ? Est-ce que ça serait pas finalement la licorne 2.0 ?» Écoutez, il y a deux choses très très importantes à savoir entre la licorne 2.0 et le pangolin. La licorne 2.0, ça a été quelque chose qui a pu être contrôlé dès le début de son expansion épidémique. Elle a pu se contrôler, elle, très très vite. Il n'y a pas eu tellement de soucis. Ça fait quelques ravages, mais c'est plus sur les crustacés où ça a été... parce qu'on rappelle que c'était sur les crustacés, hein, cette épidémie. C'est plus sur les crustacés où ça a été, décisif, si vous voulez. Où on a eu toute une côte ouest épidémique fort, et les moules, notamment les moules à Noël et les vitres, forcément, ça a été un petit relan de cette épidémie. Bon, rien de drastique, une petite maladie, quelques vomissements, et ça passe, bien sûr, hein, avec forcément un peu de proto-jus. Et donc, ce qui est important, par contre, c'est avec cette autre-là, elle a été littéralement inventée, bien sûr. C'est, en fait, si vous voulez, le coronavirus qu'on vit aujourd'hui, c'est la version évoluée de l'épidémie précédente. Voilà. Ils ont réussi à mettre en place et à mettre en œuvre quelque chose qui se disperse dans l'air, qui se disperse extrêmement vite, rien qu'au toucher, et de façon rapide, extrêmement rapide. Voilà. On peut être porteur sain et ne pas être touché. C'est ça qui est fort. C'est ça. Ils sont très forts. Ils sont très très forts. Ils ont les meilleurs scientifiques du monde dans leur laboratoire. Faut pas l'oublier. Alors c'est très bien ce que vous dites, parce que du coup ça me permet de faire une transition avec une autre question qu'on nous a posée. En fait, hier nous avons eu une auditrice du Mexique, hein, qui nous disait que les personnes ayant des gènes aztèques apparemment avaient plus de chances de s'en sortir. Alors qu'en pensez-vous ? Eh bien, c'est très simple. Les Aztèques avaient prédit, il y a maintenant des milliers d'années, que des épidémies ravageraient notre pays. Ils prédisent même une fois qu'une épidémie se fait tous les 100 ans et qu'elle peut ravager des gens. Les Aztèques s'en sortent très très bien puisque eux, ils sont immunisés de façon, je vais peut-être paraître pour un fou, hein, je vous le dis tout de suite, mais ils sont immunisés par leur énergie. Parce qu'ils sont en fait en symbiose avec la nature, ils sont en symbiose avec les éléments. C'est bien plus simple que ça. Le virus ne peut pas les toucher puisqu'ils ont des sortes de couches énergétiques qui ça fait barrière, si vous voulez. Le virus ne peut pas être touché, c'est impossible. Ils ricochent sur les secousses énergétiques de leur corps. Vous voyez, ils rayonnent. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé avec un aztèque. Moi-même, j'ai pu en rencontrer un. J'ai même eu une histoire d'amour avec une de ses filles. Ça m'a coûté un doigt. Laissez-moi vous dire une chose, c'est que ces personnes-là ne sont intouchables au niveau des maladies. Ils vous déplantent tous les jours. C'est impossible. Ils vouent des choses. Oui, je suis totalement d'accord avec cette personne qui a dit ça. Absolument. Très bien. On a encore d'autres questions de nos auditeurs. Excusez-moi. Alors, on a une question de Nini qui nous demande « Docteur, y a-t-il un lien entre Covid-19 et poussée d'herpès ?» Attention, il ne faut pas tout confondre. La poussée d'herpès se fait, bien sûr, avec le contact, et aussi par une peau qui est sensible, plus fragile et beaucoup plus fine. Je pense qu'il n'y a pas de lien direct entre l'herpès, hein, et le Covid-19. Je pense que... Si, par contre, attention, je m'adresse aux patients et aux auditeurs qui ont de l'herpès actuellement. Méfiez-vous du Covid-19, parce que ça peut accentuer votre herpès, et ça peut faire même pousser de l'herpès à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que, grosso modo, l'herpès pousse à à savoir dans les poumons, et là je peux vous dire que quand il y a de l'herpès dans les poumons, il faut s'inquiéter. Mais malheureusement, c'est pas le moment d'en avoir, puisque là, les lits sont pleins, les camps de réanimation sont foutus, et moi, je ne pourrais même pas avoir un rendez-vous avant une bonne semaine et demie, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pas le moment. Mais il n'y a pas de lien direct, si vous voyez ce que je veux dire. Non. Très bien, vous avez bien éclairé notre auditeur. On a encore d'autres questions, ouais, là, sur le chat. On va peut-être prendre une dernière question, parce vous êtes très occupé, quand même, docteur Miroussou. On va pas prendre trop de votre temps. Merci. Il y a Douglas Wilson qui nous demande, qui nous dit « Je suis le premier choqué par ces révélations. Qu'en est-il de la piste sur la libération de Patrick Balkany à l'orée du confinement afin qu'il puisse sauver la France ?» Écoutez, on peut entendre bien des choses sur ce monsieur Balkany. On peut entendre les choses les plus dures. Hein, voilà. Je pense que cette personne, dans le fond, vraiment veut faire du bien à la France et... je ne serais pas étonné que Balkany sorte, quand nous serons sortis de l'épidémie, qu'il sorte pour être candidat à la présidentielle. Et je tiens à préciser, je m'exprime de façon libre, je suis honnête, je serai le premier à aller voter sa candidature. Il n'y a aucun souci. Cet homme a peut-être fait des magouilles, on en fait tous, excusez-moi. Hein. Moi-même, j'ai dans ma jeunesse fait un petit peu d'argent sale, comme on dirait dans le milieu, voilà, hein, puisque je n'ai pas été tout rose non plus. Donc je pense que ce n'est pas un mal non plus de jouer avec l'argent des gens. On en fait tous, on passe tous par là, on est tous un homme et on a des failles, tout simplement. Et je serai le premier à aller voter pour la présidentielle de Balkany pour qu'il représente, puisque cette personne, à mon sens, va sauver la France. Ah bah très bien, merci pour votre opinion et votre avis éclairé et sans concession. J'avais une petite dernière question, j'imagine qu'au sein de l'Ordre des médecins, votre avis doit déranger. Comment ça se passe vis-à-vis de vos collègues peut-être un peu plus sceptiques? C'est trop compliqué, c'est très compliqué puisque quand on essaie d'engendrer un débat, on me prend tout de suite pour un fou, pour un toto, comme on dirait, hein. Il m'appelle Martin le Toto, donc c'est pas forcément toujours facile excusez-moi, c'est dur au quotidien, si vous voulez, c'est un poids. Quand on a les yeux ouverts comme ça sur le monde et qu'on se rend compte de tout ça, ça fait forcément mal, puisque eux sont la tête dans le guidon, la tête dans le capitalisme, quelque part. Et eux, tout ce qu'ils veulent, c'est plus de moyens, mais sauf que ça ne marche pas comme ça. Il faut démonter la société, et eux ne sont pas du tout d'accord. Donc oui, il y a forcément deux, trois personnes qui me croient, hein, là-dessus, il n'y a aucun souci. Quand j'en parle à mes patients, forcément, eux, ils ne peuvent que me croire, puisqu'ils ne sortent pas de chez eux. Moi, qui pratique... ta voiture de bout en train de toute la journée, c'est sûr que oui, c'est très complexe, c'est très complexe. Les médecins généralistes aussi bien que les chirurgiens et tout ce qui se passe en clinique ne comprennent pas. Il y a un grand débat, même si je ne suis pas le seul dans cette catégorie. Très bien, en tout cas, merci beaucoup d'avoir éclairé docteur. Nos auditeurs. Oui, merci beaucoup, docteur. On y voit beaucoup plus clair sur la crise qu'on vit actuellement. Et c'est quelque part assez rassurant de pouvoir mettre des noms sur ces coupables invisibles que sont le Covid-19, normalement. Et grâce à vous, on y voit plus clair et on sait qui montrer du doigt. Oui, totalement. Et méfions-nous, puisqu'on nous cache des choses. Hein. On nous cache des choses et qu'il y a de l'intentionnel derrière tout ça. Attention. Attention, et que les Mayas l'avaient pourtant bien dit, hein. Attention, hein. Référons-nous plutôt au calendrier des Mayas plutôt qu'à notre petit calendrier d'Européens. Attention, vraiment, je pense que c'est extrêmement important et je pense que les gens méritent de savoir, ont le droit de savoir et sont assez courageux pour reprendre pour se faire éclaboucher par la vérité. Voilà. Merci beaucoup. Merci de l'accueil. On vous garde à l'antenne pour vous dire au revoir, nous. Et puis en attendant, après ce témoignage lourd de sens, on va s'écouter un petit Papayou, une reprise de Carlos faite par Philippe Catherine, Francis et ses peintres. Et à tout de suite, les auditeurs. Quand je suis venu au monde, ma mère m'a tout donné. Une panse bien ronde, des pieds, des grands pieds pour marcher, pour danser. Mais la plus belle chose qu'elle ait pu me donner dans le fond, c'est à peine si j'ose le dire, c'est mon papayou, papayou, papayou. l'ukulélé qu'on ait vu depuis des années. Papayou, papayou, papayou, papayou lélé. Ma mère me disait, faut pas le montrer, ça ferait des jaloux dans le quartier. Ça ferait plein de jaloux qui n'en ont pas du tout, plein d'envieux qui n'en ont pas chez eux, plein de méchants qui n'en ont pas de si grand, faut pas le montrer du tout. Un jour l'institutrice me dit, mec, t'as grandi. Je réponds sans malice, mais mon papayou il grandit lui aussi. Elle me dit, je suppose que c'est une plaisanterie. Mais en voyant la chose, elle pousse un cri. Oh, papayou, papayou, papayou, papayou lélé. C'est le plus beau des papayou lélé que j'ai vu depuis des années. Papayou, papayou, papayou, papayou lélé. Garde-le pour moi, ne le montre pas, ça ferait des jaloux dans le quartier. Ça ferait plein de jaloux qui n'en ont pas du tout, plein d'envieux qui n'en ont pas chez eux, plein de méchants qui n'en ont pas de si grand, plein de badauds qui n'ont rien vu de si beau, qui dirait partout c'est un drôle de joujou, faut pas le montrer du tout. Une fille aux yeux bandés, le découvrant par hasard, me dit qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Depuis au village, toutes les filles de la région me demandent en mariage pour avoir mon papayou, papayou, papayou, papayou lélé. J'ai le plus beau des papayou lélé qu'on ait vu depuis des années. Papayou, papayou, papayou, papayou lélé. Ma mère me disait, faut pas le montrer, ça ferait des jaloux dans le quartier. Papayou, papayou, papayou, papayou lélé. J'ai le plus beau des papayou lélé qu'on ait vu depuis des années. Papayou, papayou, papayou, papayou lélé. Ma mère me disait, faut pas le montrer, ça ferait des jaloux dans le quartier. Papayou, papayou, papayou, papayou lélé. J'ai le plus beau des papayou lélé qu'on ait vu depuis des années. Papayou, papayou, papayou, papayou lélé. Ma mère me disait, faut pas le montrer, ça ferait des jaloux dans le quartier. Bonjour. Guten Tag. Buongiorno. Hola. Good morning. T'en veux plus de rester chez moi? Vous êtes sur la radio des bons cons. Il est 10h36. Je sais pas vous, mais nous on est de bonne humeur. Mais ça, c'est ce qui se passe quand on est d'un coup plus éclairé sur la situation, mais un peu mieux informé et un peu mieux averti du monde qui nous entoure. Et ça, c'est grâce au docteur Miroussou. Martin Miroussou. Ah, autant pour moi, autant pour moi. Bon, bah, que faire désormais? Que c'est faire? C'est vrai que maintenant, nous sommes... Enfin, voilà, moi j'ai l'impression d'avoir une révélation sur la réalité. Ouais. Je suis... J'ai envie d'arrêter les conneries, moi. Et de commencer à préparer... La campagne de Balkany. Oui, déjà. Voilà, tellement de choses. Moi, j'étais déjà en train de réfléchir à comment on allait envahir l'Inde, j'ai mais envie ouais. De ouais, marier avec un Aztèque pour essayer d'échapper à moi, ce... J'ai fréquenté une Aztèque, moi, à une époque. Peut-être c'est vrai que j'ai vous perdu... êtes immunisé. Vous avez... J'ai perdu quelques doigts au passage aussi, c'est vrai. Oh la vache! Ouais, je suis chamboulée, je vous avoue, je suis chamboulée. Il a dit des choses qui ont résonné en moi. Voilà, je pense que je vais mettre à l'astrologie. Eh ben. Doug, vous avez été fort silencieux pendant cette chronique, vous étiez attentif. Ah bah oui, bah moi je vivais ces paroles. Franchement, ça a remis pas mal en cause de tout mon système de pensée. Donc là, je vous avoue que je suis moitié bien, moitié en panique. Mais oui, mais comme le disait mon prof de linguistique, crise vient du terme crisis grec qui signifie changement. Donc c'est normal, nous sommes en changement, en mouvement. Ça nous bouge, ça nous remue, mais nous en sortirons grandis grâce au docteur Miroussou. C'est beau. J'espère que vous avez tous pu profiter de cette magnifique reprise de Papayou. Oui. Hein, chanson qui dénonce aussi énormément. Mm-hmm. Hein, et chanson qui va vous accompagner pour le reste de votre journée. De rien. Parlons musique, parlons peu, mais parlons bien. Hein. Alors, 1er avril, beaucoup de... Hein, de calembours, hein, qu'est-ce qu'on... Voilà, de on se marre. Les blagues, les calembours, voilà, sauf quand il faut parler sérieusement, je tiens à le dire, quand même. Oui, voilà, mais voilà, reprenons un ton un peu plus humoristique. Exactement. Dans cette émission. Pas eu de réponse sur la cure de sébum, effectivement. Mais oui, mais alors l'actualité, excusez-nous, voilà, c'est pas ma cam, mais l'actualité était dense et il a fallu sélectionner les questions. Ça aurait été intéressant de créer un chat du docteur. C'est vrai, c'est vrai. On va voir avec lui peut-être. Un genre de doctissimo du docteur. Doctissimi Rousseau. Donc voilà, pour parler musique aujourd'hui, on va changer un peu des thématiques habituelles, c'est-à-dire que je vous parlais plutôt d'un groupe et on essayait de creuser, de parler de mon appréhension de ce groupe. Et là, on part sur quelque chose d'autre. On a eu plusieurs débats. Est-ce qu'on se passe des musiques de merde? Oui, mais que dire sur la musique de merde? Est-ce qu'on se passe des musiques humoristiques? Et donc oui, c'est ce qui va un peu se passer. Et en même temps, on se permet des petits moments nostalgie. Donc on avait commencé à en discuter, à brainstormer, à débriefer avec Chloé hier soir. Et on a commencé à essayer de me chercher dans mes retranchements sur mes premiers albums. Alors voilà, je vais vous le dire franchement, je le dis, nous n'en écouterons pas. Mais si il vous prend d'aller sur YouTube, le premier album que j'ai acheté de ma vie, c'est Alan Théo. C'était un boys band unijambiste, j'ai envie de dire. Enfin en tout cas seul, soliste, hein. C'était un boys band lui tout seul avec son titre Emmène-moi. Un Latin lover, pas du tout latin. Oui, très blanc, très palo. On était plutôt sur du David Charvet un peu dans l'ambiance. Ah voilà, oui, ça plaît. Oui, oui, ouais, mais clairement, hein, voilà. Clairement du David Charvet, cheap. Voilà, et on était. Et voilà. Et ensuite, deuxième album que j'ai acheté, c'était Mano. Voilà, donc comment vous dire. Et le troisième, c'était un artiste qu'on appelle. Oh mince, je ne l'ai pas dans la playlist. Comment se fait-il? Est-ce une erreur de ma part? Oh là là, comment je. Attendez. J'ai des petits soucis avec mon logiciel. C'était Matt Houston, que vous ne connaissez peut-être pas tellement, ou plus en tout cas, mais si je vous remets le morceau, vous allez reconnaître. Donc un peu, aujourd'hui, je vais parler un peu de petits morceaux anecdotiques comme ça, qui ont fait mon enfance, qui ont en tout cas m'ont bien fait marrer. On n'est pas sur du très sérieux, on est beaucoup sur de la soupe. La soupe, vous savez ce que c'est, la soupe populaire, c'est quand la musique devient avant tout bien de consommation plutôt que objet artistique. Évidemment, ça existe, hein. On pense à toi, Christophe Maé. Et donc on va commencer par s'écouter donc le troisième album de ma discographie très très dense. Je vous promets qu'après j'ai changé. Il a fallu du temps mais j'ai changé. Et donc premier album, Matt Houston, qui s'appelait à l'époque juste Matt tout seul, pour faire plus jazz, pour faire plus américain. Et c'est son titre R&B de Rue, avec le 2 écrit avec un 2, parce que c'est beaucoup plus. Alors, cool. Si vous moi je vous conseille d'ouvrir une page Google pour suivre les paroles en même temps. Eh ben on est parti pour R&B de rue, Matt, de par Matt Houston pour les intimes. Tout le monde dit que le R&B n'est pas du hip-hop. Oh oh, qu'on de ça. Retour toujours dans la chronique musicale qui est un peu bancale aujourd'hui, 1er avril oblige. Alors, bancale peut-être, en tout cas, ça s'enjaille, hein, parce que l'Asus nous dit ça s'enjaille de dingue, merci la matinale. Patate chaude nous dit ça va tellement étoffer ma playlist R&B, donc finalement, Bah oui. Sont plutôt contents qu'Eman. Hein. De la East à la West Coast, yo nega, comme disait le grand poète Matt Houston. On voyage. On voyage. Petite anecdote par rapport à... J'avais envie de faire une petite session. Que sont-ils devenus? On parlait de Faudel tout à l'heure. Donc Faudel, hein, on se rappelle tous de son petit passage de droite. Alors après, bon, il vient à la base de... Il a fait 2-3 soleils avec Rachita et Cheb Khaled. Donc voilà, hein, le terre-terre, la famille, tout ça. Puis il a fait son tellement handbrake. Et puis après, il est passé de droite en soutenant Sarko et tout, petit virage un petit peu vénère, pour finalement être patron de kebab à Paris et disparaître dans l'anonymat total. Donc voilà, finalement, si vous vous demandiez ce qu'était devenu Faudel, ben finalement, pas grand-chose. Voyageons encore dans mon enfance, voyageons encore un peu plus loin, parce que je vous ai parlé de mes premiers albums, mais j'ai menti, en tout cas c'était les premiers albums que j'ai demandé à acheter pour moi-même, mais avant ça, ma mère m'avait acheté des cassettes, ma mère institutrice de son état, donc Anne Sylvette, Henri Dess et tout team, mais parmi tous ceux-là, parmi tous ces artistes de chansons pour enfants, il y en avait un que très peu de gens connaissent, j'ai toujours eu du mal à partager cette passion quand je parlais à quelqu'un, tu connais Vincent Malone? Mais le roi des papas, voyons, mais personne ne connaissait. Si vous connaissez le roi des papas, Vincent Malone, commentez sur le Discord, j'ai besoin de soutien. Donc voilà, pour vous faire une petite historique, je suis né dans l'est de la France à Nancy et ma famille vient d'ici, d'Anceny, et donc nous avions 2 à 3 fois par an l'aller-retour à faire, 8 heures de route. Mes parents ayant décidé de pondre 4 enfants, dont certains très turbulents, notamment moi-même, il fallait les occuper durant ces 8 heures de... Ah, on a quelqu'un, un connaisseur, ça fait plaisir. Il fallait les occuper durant les 8 heures de trajet, parce que voilà, un monospace, 6 habitants de ce véhicule, dont 4 enfants, dont un qui est allergique à l'ennui, et qui pour cela emmerdait ses petites sœurs, voilà. Il faut trouver des subterfuges, des petits substituts, des façons de les faire rire, de s'occuper sans qu'ils cassent trop les couilles, pour le dire ainsi. Et Vincent Malone a été la réponse adéquate, hein, qui même aujourd'hui continue de me faire glousser comme un gamin de 4 ans, gazouiller tel un enfant de 3 ans en chantant les paroles et en répétant ça à tue-tête. Donc je vous propose d'écouter son titre phare, celui qui me fait encore vibrer aujourd'hui. C'est donc Vincent Malone, a.k.a. le roi des papas, avec l'ours qui pète et qui rote. Oh, l'ours qui pète. Bonjour les enfants. Si je suis si fripon, pon, et aussi si glouton, ton, c'est que les saucisses sont un souci pour mon bidon. Quel crétin. L'haricot de mouton, ton, tout le monde trouve ça bon, bon, à part les petits moutons, ton, et les haricots à ton tonton. L'ours qui pète et qui rote, jamais deux fois sur la même note. Pour la fenêtre. C'est un sacré prout en train. Jamais deux fois le même refrain. À vous, ce que j'aime dans le jambon, ce sont les petits oignons. Quand c'est pas la saison, je ne mange des salsifis. Oh, les artichauts bretons, ça fait du bien aux billes. Ça aide à faire des petites chants, des jolis sons dans mon cale. L'ours qui pète et qui rote, jamais deux fois sur la même note. C'est un sacré route en train, jamais deux fois le même refrain. Sauf ici, bien sûr, mais là on est si bien. Allez, les enfants, venez plus près de moi. Non, non, non, pas toi. Oui, toi. On va dormir, tu pues. Bourguignon et les concons. Oui. Bienvenue, Bourguignon. Non. Bien. Klaxon, poète, poète. Bravo. Et grand crétin d'ourson. Ah, ça, non. Jamais deux fois sur la même note. Qu'est-ce qu'il dit? C'est un sacré route en train. Jamais deux fois le même refrain. Mes enfants. L'ours qui pète et qui rote. Jamais deux fois sur la même note. On sait pas tout, moi je veux dire. C'est un sacré route en train. Jamais deux fois le même refrain. Le refrain. Salmôme. Voilà, on sent toute la jeunesse, la candeur, l'innocence. Alors, patate chaude, dédicace au départ en vacances à 5 dans l'Opel Zafira. Qui se cache derrière ce pseudo, car moi-même j'ai connu l'Opel Zafira. Cette espèce de faux monospace où finalement la promiscuité est de mise, car ce n'est pas vraiment un monospace. Vous savez, c'est genre de cette époque où vous aviez des bagnoles à 5 places, et dans le coffre, on sortait deux sièges à l'arrière, et oh non, non, monospace, monospace. Et non, on est tout serré, et puis pas bah, derrière, on est sur les roues, quand on fait 8 heures de route et qu'on arrive... à 10 minutes de chez soi et qu'on vomit dans la vago pleine de ses 6 occupants, ça ternit un petit peu le voyage. Voilà, ceci est une histoire vraie. Voilà, nous avons été dans les... Ah, bah Léo, bah voilà, voilà, le Zafira Forever, les familles nombreuses de Zafira. Toi-même, tu sais. Donc voilà, on va prendre un autre virage. Là, on a été très très loin dans notre... On a exprimé en tout cas tout notre côté enfantin, full régression. Avant de passer, alors on a encore 4 morceaux, lesquels on se met. Alors j'avais quand même vachement envie de mettre The Lonely Island, quoi, pas ouais. Se mentir. En grandissant, on reste des grands enfants, et du coup nous voulions avec Chloé hein, rendre un peu hommage à la musique humoristique, et du coup il faut à tout prix que je vous conseille un film. Si vous aimez la musique, mais vous aimez aussi vous fendre la poire, comme on dit chez nous, je vous conseille le film, le faux biopic sur une pop star qui s'appelle Connor For Real. Le film s'appelle Never, s'appelle Popstar, sous-titre Never Stop Stopping. Très très drôle. Donc faux biopic sur une star qui a commencé dans les boys bands et finalement fait une carrière solo et tout s'écroule, vous voyez ce que c'est. Et dedans, par The Lonely Island, il y a un morceau qui s'appelle Fuck Ben Laden. Voilà, Finest Girl. On va se l'écouter tout de suite, The Lonely Island, pour faire un petit topo. C'est principalement Andy Samberg à la composition, Akiva Schiffer qui fait les clips. Et un troisième comparse dont je n'ai pas le nom là tout de suite. Donc Andy Samberg qui a commencé par le Saturday Night Live, pour ceux qui connaissent. Donc c'est maintenant 43 saisons d'émissions le samedi soir sur NBC. Donc en France c'est pas forcément hyper connu, mais aux États-Unis c'est une institution, c'est une émission à sketch où il y a quand même un invité musical et un invité, un acteur en général qui participe au sketch. Parfois on a des politiques qui participent. Ça a été créé à la base par quelques comédiens dont faisaient partie par exemple les membres des Blues Brothers, Bill Murray aussi. Voilà, c'est voilà, il y a pas mal de films qui sont arrivés en France qui à la base étaient des sketchs sur Saturday Night Live, donc les Blues Brothers. Wayne's World, pareil, ça c'était un sketch à la base de SNL. Eddie Murphy est passé par là, Will Ferrell est passé par là, Jimmy Fallon est passé par là. On a énormément de comédiens humoristes, enfin humoristiques aux États-Unis qui ont commencé dans le Saturday Night Live qui est. C'est. Ouais. Jim Carrey aussi avec What Is Love. Oui, Jim Carrey effectivement qui est passé. Voilà. Enfin, on a toute une ribambelle de comédiens extrêmement connus qui ont fait leur début vers ce tremplin qui est quand même voilà, qui est quand même quelque chose de une grosse institution. Je sais pas comment on pourrait le comparer en France, un espèce de genre de cours Florent mélangé avec Vendredi Tout est Permis, mais qui serait drôle. Pas évident, et donc ça finit par lancer quelques vedettes, dont le groupe de Lonely Island, qui a toujours... Guy Bedos aussi, on me dit, ouais c'est possible, on va se renseigner, on va se renseigner. Et donc, sorti de SNL, il y a The Lonely Island qui ont sorti énormément d'albums de musique second degré avec des guests de folie, du Justin Timberlake, du Lady Gaga, du... y en a tellement... Rihanna... Mais il y a tellement une tripotée... Il y en a plein. Econ. Econ, ouais. Et puis même dans leurs clips, hein, au-delà des guests musicaux, vous avez du John McEnroe, vous avez Blake Lively, Jessica Alba. Enfin, allez sur YouTube, tapez... Suzanne Sarandon. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est ouf. Tapez dans YouTube The Lonely Island et vous aurez 1 milliard de clips, ou au moins une cinquantaine, avec des acteurs de ouf, des guests de malades. Et donc, on va vous passer un extrait du film Popstar Never Stop Stopping. Et cette chanson s'appelle Finest Girl, entre parenthèses, Bin Laden Song. Freak when she started talking, she said, fuck me like we fucked Bin Laden. Ooh, that girl was a freak. She said she wanted me to fuck her harder than the military. Fuck Bin Laden. Freaky kind of girl, kept up on current events from all around the world. More specifically, one event, the time Osama Bin Laden got shot in the head. She said, do me like that, but I couldn't track the metaphor. That said, I can see you horny like a stegosaur. That said again, your request is so irregular. She put on a beard, I started looking at the exit door. Then a turban, then a tunic. She said, invade my cave with your special unit. I said he wasn't in a cave, but there was no stopping. She demanded that I fuck her like we fuck Bin Laden. Fuck Bin Laden. She wanted to fuck me harder than the US government. Fuck Bin Laden. This girl requested intercourse to bring in a climax with the clinical efficiency of the assassination of Bin Laden. You're harboring a fugitive. That ass. And my justice will be punitive. I'ma smash. Night vision, they could see us through my GoPro. She tried to negotiate, I say that's a no-no. Now I'm creeping in her bedroom like she tells me to go low. Then looks down and says, I gotta terrorize that pussy. Gotta terrorize that pussy. So I did it. Provide some crazy shit. SEAL Team 69 executing the hit. She said, you finished me off, now throw my body in the ocean. I yelled Geronimo, then took some pictures for posting. The president called, he said, congratulations, Connor. I said, Mr. President, to what do I owe this honor? He said, come give me the deets in the White House garden. I got to know how you fucked her like we fuck Bin Laden. Fuck Bin Laden. Fuck Bin Laden. I still can't say that I see the appeal, but she wanted me to fuck her like we fuck Bin Laden. Donc voilà, c'était The New Island avec Fuck Bin Laden. Donc ouais, Chloé disait tout de suite là que les Américains sont très forts pour ça. Et c'est un peu la particularité de SNL. C'est que souvent les comédiens recrutés chantent, dansent ou ont d'autres talents. Ils peuvent pas juste être bon acteur ou bons humoristes. En général, il y a toute une palette, mais ça c'est aussi l'école un peu Broadway. Il y a ce délire là de on est couteau suisse dans les pratiques théâtrales, artistiques, mise en scène. Alors, l'intervention du docteur... j'oublie son nom, Maroussou. Du docteur Martin Mirousou. Mirousou, vous a peut-être un peu séché, on cogite encore un peu, on est un peu remué, mais n'hésitez pas sur le chat à poser vos questions ou à raconter vos rêves. La matinale, c'est toujours là pour ça, bien qu'elle ait commencé sur un ton un peu plus original, plus sérieux, plus déroutant peut-être. Mais nous sommes toujours là, posez-nous vos questions, racontez vos rêves, racontez votre vie peut-être. Donnez, je sais pas, des conseils de chansons humoristiques que vous avez vous aussi. Oui, exactement. D'ailleurs, on cherchait des femmes qui auraient fait des chansons un peu second degré. On a trouvé très peu, donc n'hésitez pas à nous balancer ça si vous avez. Eh oui, oui c'est ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué, on a l'impression que dans la musique déjà de manière générale on a quand même beaucoup d'hommes, et en plus dans la musique humoristique, voilà, on en est un peu là. Et surtout préparez-vous aussi parce que après le prochain morceau, nous viendrons à notre jeu concours de rappelez-moi quel film, le nom du film que j'ai vu hier soir, et donc préparez tranquillement voilà. Votre petite page Facebook, le dernier post, lequel était, c'était Richard Berry, c'est Richard Berry aujourd'hui, ouais, Richard parce Berry. Que j'aime bien Richard Berry, c'est un de mes acteurs préférés. Ouais, en plus oui, il a lancé des tendances un petit peu in. Je crois que c'est un peu un Instagrammeur healthy. Je crois qu'il a des régimes très particuliers. Il a un régime particulier. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. J'ai envie de dire que sa tendance, elle est plutôt out en fait. Oui. Putain. donc voilà, c'est Richard Riri. Je vous rappelle, si vous êtes sur le Discord, vous avez sur le côté à gauche, vous avez info pratique, vous pouvez retrouver tous les liens également pour les réseaux sociaux, notamment Facebook si vous voulez, ça ira plus vite. En tout cas, voilà, on vous laisse le temps d'une chanson pour, voilà, poser vos dernières questions, racontez-nous vos rêves. Et on les prend juste après, voilà. Juste avant notre jeu concours. Mais préparez votre page Facebook, votre post Facebook pour être au taquet. Donc dernier groupe un peu humoristique, on est toujours dans l'école américaine, on est toujours dans les artistes qui sont à la fois comédiens et musiciens. Bon, les Américains qui nous envoient des paillettes dans la gueule, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Hein. On va parler d'un groupe dont on a déjà parlé à l'antenne, par l'intermédiaire de Valentin, qui était notre invité la semaine dernière, Tina Tuesday. Pour ceux qui aiment le gros rock, le rock qui est presque hard rock, presque heavy parfois, on se doit de parler de Tina Tuesday. Donc Tina Tuesday, c'est le groupe notamment de Jack Black. Bon, alors c'est un duo, alors j'ai peur de dire des bêtises à chaque fois que je parle d'un groupe dont je sais qu'un de nos auditeurs est méga fan. Donc il y a Jack Black que vous connaissez peut-être, comédien américain qui fait plutôt humoristique et qui est plutôt comique. D'ailleurs, on attend toujours la photo de Mona hein, qui nous imite Jack Black. Ah. Mona. L'appel du pied est fait. Et donc, de son compère Carl Gass, qui est un peu moins connu, hein, mais voilà, c'est un binôme hein, ce groupe-là, Tina Tuesday. Alors, il y a beaucoup de clips aussi très intéressants, très marrants. Il y a notamment des extraits de leurs films. Enfin, voilà, ils ont des séries télé. Ils ont un univers qui est assez vaste que moi-même je connais qu'un tout petit peu. Alors, hein, j'ai trempé mes pieds dans le pédiluve de leur discographie et filmographie. Voilà, seulement. D'ailleurs, la série, je crois, était disponible sur OCS. Je sais que je l'ai vue dessus. Ah, bah, profitez de cette période. Allez voir, je pense que c'est encore dessus. En tout cas, pour ma part, j'ai vu le film Tina Tuesday de Peak of Destiny et on passe un vrai moment avec Dave Grohl notamment qui joue le diable, Beelzebuth. Donc, on se marre bien, il y a de la bonne musique et puis au-delà de ça, c'est humoristique mais on a quand même deux vrais bons guitaristes, deux vrais bons chanteurs parce que Jack Black avec sa tête de rigolo, sa bonne grosse barbe, c'en est pas la moitié d'un. voilà, c'est un mec entier comme on dit. Donc voilà, on est quand même, je regarde là, on est quand même depuis 94 qu'ils font de la musique ensemble, donc voilà, c'est quand même, c'est pas juste une lubie, voilà, si vous avez regardé School of Rock, d'ailleurs on voit un petit peu déjà l'étendue des talents de Jack Black, mais on va vous passer un autre morceau pour que vous vous rendiez compte de ce qu'il en est, donc dans les harmonies, hein, c'est riche, c'est chargé, les deux sont très très bons guitaristes, très bons musiciens, et puis bon, bah Jack Black est toujours à mourir de rire, hein, donc voilà, si vous voulez vous marrer, que vous aimez un peu le rock, là cet après-midi, vous faites Tina Tuesday, The Peak of Destiny, et vous écouterez du bon son, et vous allez vous taper des barres, et en petit avant-goût, un petit apéritif, on va vous mettre Tribute de Tina Tuesday qui n'est pas dans le film mais dont le clip est très rigolo, je vous conseille de le regarder. Ça parle tout simplement de personnes qui veulent écrire la meilleure chanson du monde et en fait non, c'est pas la meilleure chanson du monde, c'est juste un hommage. This is the greatest and best song in the world. Tribute. Long time ago, me and my brother Kyle here, we was hitchhiking down a long and lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road, and he said, play the best song in the world, or I'll eat your soul. Well, me and Kyle, we looked at each other, and we each said, okay. And we played the first thing that came to our heads, just so happened to be the best song in the world. It was the best song in the world. Look into my eyes and it's easy to see, 1 and 1 make 2, 2 and 1 make 3. It was destiny. Once every 100,000 years or so, when the sun doth shine and the moon doth glow and the grass doth grow. Needless to say, the beast was stunned. A whip crack went his rumpet tail, and the beast was done. He asked us, be you angels? And we said, nay, we are but men. And the peculiar thing is this, my friends, the song we sang on that fateful night, it didn't actually sound anything like this song. This is just a tribute. You gotta believe it, and I wish you were there. Just a matter of opinion. Good God, God love you. I'm so surprised to find you can't stop here. A fire in the air, rich motherfucker, come on, fix it. Alors, on revient, pas évident de se remettre de Tina Chusdi. Alors, on a des petites précisions et ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes super actifs sur le chat. Ah bah, on est tous au même mood. Et faut attendre un petit peu midi avant la première cloque, que Doug, sinon, évidemment, on tousse. Eh oui, mais désolé. Oui, Patate Chaude, nous, petite info, c'est un hommage à Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Voilà, merci Patate Chaude pour votre réactivité. Et on a Sepamacam qui nous dit, c'est un peu la version américaine des Fatal Picard, c'est ça? Ou c'est l'inverse? Nous connaissons des auditeurs qui ne seront pas d'accord avec nous. J'ai le sentiment que là, j'ai quelques camarades qui vont se retourner dans leur canapé. Je sais pas si ça se dit. Alors par contre, on a des conseils pour des groupes féminins. Des groupes féminins, donc en femme, il y a Garfunkel et Oates avec leur son Fuck Me in the Ass Cause I Love Jesus. Ouais, on y a pensé. Mais en fait, les paroles sont un peu denses et déjà qu'on passe beaucoup de titres anglophones, c'était un morceau, si on n'a pas tout de suite la compréhension, on s'est dit qu'à l'antenne, c'était peut-être un peu... Alors par contre, on m'a parlé de Maggie Ball, alors ça par contre, je ne connais pas. Je ne sais pas si vous avez, mais il y a Guédré aussi. Guédré, ouais, on se sent un peu con de pas y avoir pensé. Ouais, on n'a pas pensé à Guédré, on est naze. Après en France il y a aussi comme enfin beaucoup de on a beaucoup quoi humoristiques comme ça, je pense aux Regals, je pense aux Fatal Picard comme disait Sepamacam, il y en a beaucoup. Honte à vous pour Guédré, voilà, désolé, on fait du mieux qu'on a pu. Écoutez, on était occupés avec notre super interview de notre docteur Mirousou. Didier Super, au-delà, bien sûr, Didier Super, quoi, du passer dans mon hôtel la semaine prochaine. Ah ouais. Ouais. Et on avait un rêve à raconter, on nous a raconté un petit rêve. Alors oui, n'oubliez pas, le jeu concours arrive dans très peu de temps. Préparez votre page, votre post Facebook pour commenter au plus vite, parce que ça risque de fuser sa mère. Alors, On avait un rêve. Ouh là là, mais le chat, le chat est dense. Vous parlez trop, les amis. Non. Bah, faudrait peut-être faire un onglet rêve et questions, hein, plutôt vrai. Pour pas qu'il y ait juste les commentaires. Bah, en fait, c'est que il s'est arrivé un peu tôt et on était occupé avec nos correspondants. Ah, bah très bien, Damien, vous nous le lisez, s'il vous plaît. Alors, donc c'est Jean-Jean qui nous raconte: j'ai rêvé que je tentais un appel vidéo Insta avec Christophe Maé et qu'il me répondait. Après, j'ai rêvé que j'avais un gun et que je tirais sur des méchants, dont un qui voulait pas mourir. Et ensuite, j'allais à la piscine avec des drag queens et je me sentais bien dans mes baskets. Ah, on sent bien des thèmes récurrents quand même à l'antenne là. J'ai l'impression que le Christophe Maé qui passe régulièrement vous hante et que les conversations sur RuPaul. Vous hante aussi. Voilà, j'ai... Mais alors, j'ai l'impression que Christophe Maé vous angoisse plus que RuPaul. RuPaul ouais. Vous rassure par contre. Mm-hmm. Peut-être qu'il faudrait laisser une habitude pour une autre. C'est vrai. Et je pense que Christophe Maé représente peut-être votre père, dont vous devez vous éloigner, et RuPaul, votre mère, dont vous voulez vous rapprocher. C'est peut-être un désir pour vous d'être mère. Quid des méchants? Effectivement, je me posais la question. Alors, vous pouvez relire, Damien, la partie sur les méchants, s'il vous plaît, là, que... Il y a un Skype? Non, c'est Christophe Maé qui est Skype. Non, c'est juste... Elle a un gun et elle tire sur des méchants, donc... Alors, je veux bien essayer de surinterpréter cette phrase. Ah bah allez-y, bien sûr. Quand même très, alors, le gun, est-ce que c'est pas... j'ai envie de dire la facilité, mais bon, la représentation... phallique. Pénite. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Voilà, hein. Et en fait, c'est un peu l'histoire de... Ça va avec la suite sur les drag queens, quoi. C'est une envie de tester le sexe opposé, j'ai envie de dire. L'envie de découverte, se demander ce que ça peut faire d'avoir un pénis et de tirer sur les méchants. Voilà. Et puis, oui, effectivement. Parce que, en fait, regardez, RuPaul ne remet pas en question tout ce qu'on sait sur son corps, sur son intimité et sur aussi sa représentation sociale. Ça, voilà. Est-ce que finalement, ces questions de genre ne doivent pas être abandonnées? Exactement. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, chers auditeurs, d'autres... Alors, bah, Kéman, on va peut-être parler du film que vous avez vu... Ouais. Alors... Que vous avez vu hier... Bon, bah, alors, tout le monde est bien attaqué, tout le monde a ouvert le petit post Facebook, tout le monde est sur le post de Richard Berry, et ça s'affole sur le chat. Dernier instant, dernière ligne droite pour poser vos questions. Alors... Sinon, comment ça va à la Rouxière? La Rouxière reste la Rouxière, j'ai envie de dire. Beaucoup de champs, beaucoup. On mange pas mal. Du coup, on va beaucoup à la selle, hein. Ça marche en vase communicant, j'ai l'impression, hein, le corps humain, de manière générale. S'il y en a beaucoup qui rentrent d'un côté, il y en a beaucoup qui ressortent de l'autre. Pour moi, c'est ce que. C'est ce que j'ai retenu de ma première année de médecine. Non, mais ça se passe bien. Écoutez, là, il y a eu beaucoup de vent ces derniers jours, donc c'était un petit peu chiant pour sortir, mais là, c'est mieux. Voilà, ça se passe bien. On s'amuse bien. Voilà. Le silence après le « on s'amuse bien », c'est en général indicateur d'une forme d'hypocrisie, ou en tout cas d'une mauvaise foi, inconsciente ou non. Ah, wow, vous merci. Êtes super efficace. Voilà, l'onglet rêve matinal est dispo à gauche de ce incroyable. Chat dans le salon textuel. Moi, j'ai une petite question. C'est si parfait. On fait une sieste l'après-midi et qu'on rêve, on le met dans quel onglet? Peut-être qu'on peut se faire un rêve de l'après-midi. Oui, voilà. Tu mettras le hashtag. Ça marche. Ah. Alors oui, je vais reprendre du coup, j'y pense, pardon. Ah oui, la dédicace d'hier. Même on a celle de... Il y en a plusieurs dédicaces. Alors, il y a Elsa qui a sa dédicace d'avant-hier. Mm-hmm. Elle nous dit... Hello, mon message pour la matinale, avec un jour de retard, encore des os. Vent PGT 206... allez, jusqu'au bout, écoutez, on a dit qu'on pouvait faire des annonces. Vent Peugeot 206 3 portes. Première main, année 99, contrôle technique, ok. Contacté en MP, curieux s'abstenir. Je vous aime, continuez les bons cons. Alors il faudrait peut-être nous préciser un peu la localité, parce que vous êtes beaucoup à nous écouter partout en France, la localité où cette Peugeot est disponible. Cette personne, Elsa, est sur Grenoble. Voilà, donc si vous avez des amis grenoblois qui nous écoutent et qui ont besoin d'une Peugeot dans l'immédiat, n'hésitez alors, pas. Alors je vais ressortir également, nous avons eu ensuite hier deux gagnants. Ouais, c'est parce qu'on a été gentils, hein, parce que... Hein, bon, voilà, hein. Qui nous disent, excusez-moi, parce que du coup il y en a beaucoup... je dédicace, alors c'est Théo qui fait ses dédicaces, je dédicace à ma conseillère Pôle emploi et à Typhon qui m'a aidé à gagner et à Madame Monin parce qu'elle aurait pu gagner et à Léo Boiteau parce qu'il est réveillé. Et il nous précise, ma conseillère s'appelle Sandrine Moineau. Et on l'embrasse, elle doit très probablement pas écouter cette radio, mais on l'embrasse quand même. C'est très étonnant. Et ensuite nous avons donc la dédicace de Mona qui nous dit Mona c'est la deuxième fois qu'elle gagne, hein. Mona très très forte. Je fais une dédicace à monsieur Théo, mon co-gagnant, à sa verve légendaire, à sa répartie truculente et à ses danses incroyables qui se heurtent parfois à des camions mais qui valent le coup d'œil. Voilà, un beau message. Eh ben, chers auditeurs, j'espère que vous allez pouvoir m'aider à retrouver la mémoire et éclaircir un petit peu cette bonne vieille caboche qui est de plus en plus chancelante. Alors, hier soir, j'ai regardé un film. Bon, j'ai regardé un film, c'était une fresque sociale. Pourquoi vous vous marrez à chaque fois que je dis ça? C'était une fresque sociale. Il y avait une histoire de mentor, il y avait une histoire de un mec un peu qui en guide un autre. C'est une fresque sociale mais avec que deux participants à la fresque, hein, pour être honnête. Enfin évidemment c'est des ordres d'allégorie, les deux personnages ils représentent plus que ce qu'ils sont eux-mêmes. Ça va plus loin que ça. Faut aller au-delà à un moment des films, hein, faut pas être très premier degré non plus, hein, ça, franchement. Il y a un mec qui a un mentor, mais qui a un mentor intellectuel, parce que le mec, il est mentor, un mentor intellectuel, et ça c'est représenté par le fait que en fait il est diminué physiquement, mais pour montrer un petit peu l'élévation de son intellect. Me mâchez pas les mots s'il vous plaît, je sais ce que je veux dire. Si je prends du temps, c'est que faut peser les mots. Voilà. Et ce mec là du coup, c'est un peu un guide spirituel, je pense, pour beaucoup de monde, voilà. Il y a un peu de tout. Du coup, il y a quand même vu que c'est fresque sociale, on a du noir et du blanc quoi. Quoi ? Ouais. Ouais, bien sûr. Excusez-moi, Chloé m'entre dedans, elle me montre les films, alors j'essaye de voir si ça correspond ou quoi. Et oui, ça correspond. Karate Kid. Je vais continuer, mais il y en a un de vous qui a déjà gagné. Donc oui, voilà, il y a un guide spirituel qui est en fauteuil roulant, je vais le dire franchement, qui est en fauteuil roulant. Néanmoins, il n'en est pas moins intelligent et développé et raffiné. J'ai même envie de dire qu'il est clairement riche, hein. Il a un vaste domaine, il a une grosse baraque, il y a un truc qui... Il a de la maison cossue. Et du coup, il va aider un mec qui vient des banlieues, pour le coup. Ils vont s'entraider tous les deux parce que le mec il a plus de jambes de toute façon, donc à un moment il faut qu'il se fasse aider par quelqu'un. Et l'autre mec il a pas de moyens, il est un peu dans la misère sociale, c'est un peu compliqué. Donc il va se faire aider par le mec par François Cluzet quoi finalement, hein, je crois que c'était ça. Hein. Est-il le parrain de son fils à ce moment-là? Non, moi aussi à chaque fois. Mais enfin, je connais le parrain de ton fils. Non, c'est pas là. Là c'est plutôt pas de bras, pas de chocolat avec les M&M's et tout, là vous voyez le délire. Donc j'étais très ému parce qu'après t'as le mec de service après-vente des émissions à la fin, finalement il s'est vachement attaché à François Cluzet quoi. Ça s'embrouille, moi j'ai du mal entre... En fait, mon gros problème c'est que j'ai du mal à faire le lien entre les personnages et la réalité et ça s'embrouille un peu, tu vois. Genre si j'ai vu un mec dans plusieurs films, c'est souvent ça se mélange quoi. Donc on a eu plein de propositions. Il est aussi diminué capillairement. Un petit mot, Damien. Pourquoi on vous cible comme ça, mon bon Doug? C'est parce qu'il y a une rumeur comme quoi je deviendrais chauve, mais... Non. En tout cas, nous, on ne remarque pas. On vous voit tous les matins. On l'a jamais remarqué.